Alors l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite de celui de la semaine dernière. Vous vous souvenez ce qu'on a entendu la semaine dernière? Les béatitudes. Alors il y a une personne au moins qui s'en souvient. Alors pour les autres, c'est un appel à essayer de vivre tout au long de la semaine de l'évangile du dimanche pour s'en nourrir. Donc c'est le passage qui suit immédiatement le récit des huit béatitudes, hein. C'est huit fois, c'est huit refrains que le Seigneur répète. Heureux, heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les artisans de paix. Heureux les assoiffés de justice. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Donc cet appel au bonheur qui est, que Dieu enseigne. L'extrait d'aujourd'hui est dans le même grand discours où Jésus, au fond, est en train de se replacer lui-même sur la montagne, donner un peu la loi nouvelle, les règles, les nouvelles règles de jeu depuis sa venue. Et parmi ces nouvelles règles de jeu, il adresse un appel à ceux qui l'écoutent. Il leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une petite question, qu'est-ce que fait de la lumière? Ça sert à quoi de la lumière? Ça éclaire. C'est simple, ça dit ce que ça dit. La lumière, ça éclaire. Ça permet de prendre conscience de ce qui est présent autour de moi. Être lumière du monde, donc, d'une certaine façon, c'est éclairer les autres. Vous êtes d'accord avec moi? S'il nous appelle à être lumière du monde, il nous appelle à éclairer les autres. De quelle façon est-on appelé, peut-on éclairer les autres? C'est une autre question que je vous adresse. Alors, parler très fort et une personne à la fois. La conduite. La conduite automobile? Alors, notre façon d'agir peut être ou ne pas être une lumière. Si j'engueule comme du poisson pourri mon coloc, est-ce que je suis lumière? Non. Si je prends sans être vu par personne, un peu de sous au travail, est-ce que je suis lumière? Non plus. En fait, Jésus, il nous dit, hein, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, Jésus continue en disant, que votre lumière brille devant les hommes, deux points, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Donc, Jésus nous dit, comment les gens verront que vous êtes et que vous êtes lumière? Eh bien, c'est lorsque vous ferez du bien et qu'ils le verront. Donc, Jésus dit qu'on peut être lumière sans même avoir encore ouvert la bouche, mais en faisant le bien, en étant bon, en étant bienveillant les uns envers les autres. Il y a des personnes qui ont été, vous êtes appelés à être des lumières. Bon, certains vont dire, ben moi je suis une lumière 5 watts, d'autres 200 watts, puis il y a des lumières des fois à des 3000 watts, ça éclaire, puis ça éclaire plein de monde. Je pense entre autres à une qui a éclairé l'humanité, qui est défunte maintenant, mais qui est près de Dieu, en Mère Teresa. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris soin d'un pauvre à la fois. Mais sa vie, elle a vécu cette phrase de Jésus, « De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Les gens ont rendu gloire et rendent encore gloire à Dieu pour les actes bons, simples, qu'a posé Mère Teresa. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lavé des malades. Elle leur a parlé. Elle leur a souri. Elle les a nourris. Rien d'extraordinaire. C'est toutes des choses qu'on peut faire. Hein, on peut nourrir une personne, on peut donner un verre d'eau, c'est tout simple. Dieu ne demande pas d'aller décrocher la lune. Et d'ailleurs, il a dit, l'une des choses, ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Donc, on est appelé à des lumières en faisant le bien. Est-ce que faire le bien, c'est juste des gestes? En fait, faire le bien, vous vous souvenez des œuvres de miséricorde? L'année passée, on était dans l'année de la miséricorde et on parlait de diverses œuvres de la miséricorde. Ça vous dit quelque chose? Ouh, non? Il y en a 7 œuvres de miséricorde corporelle et 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Ça vous dit plus quelque chose? Bon, pas beaucoup. Alors, la première lecture en nomme quelques-unes de ces œuvres de miséricorde. Il dit, en fait, je ne retrouve pas le passage, je me suis trompé de page, voilà. Partage ton pain avec celui qui a faim. Donner à manger à celui qui a faim, c'est l'une œuvre de miséricorde. Accueillir chez toi le pauvre sans-abri, accueillir l'étranger, c'est une autre œuvre de miséricorde. Donner à boire, c'est une autre œuvre. Aller visiter les malades ou les prisonniers, prier pour les défunts, c'est des œuvres de miséricorde. Donc, il y en a qui prennent soin au fond du corps et il y en a qui prennent soin de l'âme. Une des façons de prendre soin de l'âme, c'est de soutenir la foi de celui qui doute. Une autre façon de soutenir le bien intérieur de l'autre, c'est de prier pour eux, prier pour les vivants ou pour les morts. Une autre façon de prier, de soutenir, pardon, de faire une miséricorde et de faire du bien, c'est d'enseigner, d'enseigner à ceux qui ne savent pas, qui sont dans l'erreur, ou de reprendre, l'Église nous dit de savoir reprendre les pécheurs. Donc, c'est toutes sortes de façons de faire le bien pour être lumière. Encore une fois, le texte dit, on n'est pas appelé à cacher nos actes bons. Et en même temps, le même Jésus nous dira un peu plus loin, quand vous faites du bien, faites pas sonner la trompette. C'est-à-dire que je dois le faire non pas pour être vu, mais pour que tout le monde dise, waouh, c'est donc bien beau ce qu'il fait, lui, ou ce qu'elle fait, elle, est donc bien gentil. C'est pas pour s'attirer des compliments qu'on le fait, mais c'est parce que c'est bon et que je veux vraiment le bien de la personne. Donc, on le fait pour la bonne raison. En même temps, Jésus dit, cachez-vous pas. Ne vous cachez pas lorsque vous faites une action bonne, honnête. Vous n'avez pas besoin de le crier sur les toits, mais ceux qui sont autour de vous remarqueront que vous êtes juste. Ils remarqueront que vous ne dites pas des méchancetés sur les autres au travail. Et ça introduira une influence douce, discrète, mais bonne. Parce que vous savez que souvent on s'entraîne les uns les autres. Si l'un se met à critiquer, à chialer dans un groupe, ben tout le monde va se mettre à critiquer puis à chialer. Mais s'il y en a un qui dit, bon, on change-tu de sujet? Eh bien, tout le monde va changer de sujet. Si on choisit à la place de partager nos mauvaises humeurs, etc., si on décide de partager sur nos joies, eh bien, tout le groupe va plutôt partager sur ses joies. Et merci Seigneur. Donc, votre vie, ce que Jésus est en train de dire, c'est que ton attitude n'est pas juste ton attitude. Tu as un impact social, tu as une responsabilité sociale par tout ce que tu vis. Tu peux introduire un peu plus de bien autour de toi ou introduire un peu plus de frustration, de malaise, de toutes sortes de choses désagréables. Cette semaine, le Seigneur nous invite à rechoisir de faire le bien. Le passage d'Isaïe, qui parle aussi beaucoup de lumière, là, justement, il dit, alors, si tu fais tout cela, si tu donnes, partage ton pain, si tu couvres celui qui a froid, etc., eh bien ta lumière jaillira comme l'aurore et je t'écouterai lorsque tu me demanderas des choses. » Juste avant de ce passage d'Isaïe, le Seigneur se plaint, il me prie, il se plaint de son peuple. Il dit, il me prie, il me demande plein de choses, mais ils font plein d'injustices. Pourquoi je les écouterais? Ils font plein, ils se soucient pas de moi, ni de la justice, ni de faire du bien. Puis ensuite, ils disent, ah Seigneur, tu peux-tu m'aider pour mon examen? Mais, il dit, essayez donc d'être un petit peu plus juste, de faire du bien au quotidien, hein, d'être bon en parole, et puis je me précipiterai, je me dépêcherai à déplacer les fardeaux de tes épaules. Je vais me dépêcher à entendre ta prière et ton cri. Mais si tu es juste engourdi à faire du mal, eh bien le cri que je vais entendre, c'est plutôt de ceux qui se plaignent de toi. Hein, de ceux qui se disent, « Ah Seigneur, délivre-moi, un tel n'arrête pas de me chialer après sans raison, il n'arrête pas de tricher contre moi, il n'arrête pas. » Ben, le Seigneur va entendre le cri du pauvre et il va dire, « Ben, ouais, mon petit coco, il faut travailler un peu. » Donc, nous sommes invités à chercher à être juste et bon aussi pour améliorer notre contact avec Dieu, notre point de contact, pour être plus en synergie avec le Seigneur et avec son amour. Et ainsi, encore une fois, lorsque je demanderai des choses, ça sera accordé à son amour. Et donc, oui, il va vouloir me les donner, parce que ce sera en synergie avec sa dynamique d'amour. Mais évidemment, il ne me donnera pas quelque chose qui serait contraire à son plan d'amour qu'il veut pour tous. Là, je vous ai parlé de ce qui précède le passage d'Isaïe qu'on a entendu, mais intéressant aussi le passage qui suit, le même chapitre. Le Seigneur dit, si tu fais tout ce bien, etc., tu seras lumière, mais en plus, il dit, on reconstruira chez toi les ruines antiques. Il dit encore, tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de chemins, pour qu'on puisse habiter le pays. Donc, si je me mets à vivre, à faire le bien et à vivre de la vie de charité, non seulement je suis une lumière, mais Jésus dit, tu es un restaurateur de ruines. Où sont les ruines? Eh bien, les ruines, elles sont ici, c'est vous et moi. C'est tous nos cœurs blessés, nos cœurs brisés. Et lorsqu'on fait la charité, ça répare nos cœurs brisés. Hein, il y a des personnes, j'en connais quelques-uns parmi vous un peu plus personnellement, et je sais que beaucoup parmi vous, vous êtes des réparateurs de brèches. Vous vous réparez mutuellement les brèches, les fissures, les blessures, les douleurs qu'on a, et vous vous faites du bien. Je vois souvent des jeunes descendre au bistrot, jaser entre eux. J'en vois qui se donnent des gros colleux. J'en vois qui disent, ben, on va prier pour toi cette semaine, on va faire une neuvaine pour toi. D'autres qui se donnent une petite tape dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Nous sommes des réparateurs de brèches. Le texte d'Isaïe dit aussi, vous êtes alors aussi des restaurateurs de chemins. Vous savez, ça sert à quoi une route? Ça sert à relier deux points. Hein? Dans les régions éloignées, ça sert à relier des maisons, des villages. Et on dit que c'est des chemins de communication. Mais parfois, il arrive des intempéries, des orages, etc. Puis, oups, la route est partie. Il n'y a plus de route. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de route? On refait une route ou on fait un pont. Eh bien, c'est pareil. Chaque personne ou chaque groupe de personnes est une belle entité voulue par Dieu, mais il peut arriver des intempéries. C'est quoi les intempéries humaines? Souvent, c'est des chicanes, des colères, des jugements. Et il peut s'avérer que les routes entre nous tombent, qu'il se creusent des fossés entre les groupes, entre les personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, il faut être des artisans de paix. Il faut reconstruire des chemins, refaire des ponts, prendre le temps de s'écouter, avant de porter un jugement. Vous savez comment on fait pour avoir une écoute bienveillante envers quelqu'un? Premièrement, on se tait. Deuxièmement, on l'écoute. Après 10 secondes, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On suspend notre premier jugement qu'on vient déjà de poser et on rechoisit de l'écouter quand même. Ensuite, on continue d'écouter. Si je n'ai pas sûr d'avoir compris, je pose une question. Et c'est seulement après que là, oups, on peut tranquillement interagir. Mais donc, le début, encore une fois, on prend le temps de se taire, d'écouter, assez rapidement de suspendre un premier jugement qu'on a tout de suite posé. Ah, un tel est comme ça. Ah, je le vois venir. On va attendre qu'il s'en vienne avant de le voir venir. On va l'écouter jusqu'au bout. Donc, prenons le temps, par la charité, d'être des reconstructeurs de ponts. Seigneur, tu nous appelles ce soir, chacun de nous, à être sel de la terre, lumière du monde. Trop souvent, Seigneur, mes actes ont été cause d'obscurité dans mon entourage. Je t'en demande humblement pardon. Seigneur, aide-moi, aide-nous chacun ici à rechoisir de faire le bien pour que les gens puissent dire « Waouh, c'est vraiment des fils et des filles de Dieu. Ils sont tellement simples, tellement lumineux par le bien qu'ils font, tellement joyeux. Donne-nous cette grâce, Seigneur, d'aimer au quotidien. Amen. »